Le livre de Monel, deuxième partie, Les sœurs de Monel, la voluptueuse. Terrible ça, dit la fillette, parce que ça saigne du sang blanc. Elle incisait avec ses ongles des têtes vertes de pavot. Son petit camarade la regardait paisiblement. Ils avaient joué aux brigands parmi les marronniers, bombardaient les roses avec des marrons frais, décapuchonnaient des glands nouveaux, posaient le jeune chat qui miaulait sur les planches de la palissade. Le fond du jardin obscur, où montait un arbre fourchu, avait été l'île de Robinson. Une pompe d'arrosoir avait servi de conque guerrière pour l'attaque des sauvages. Des herbes à tête longue et noire, faites prisonnières, avaient été décapitées. Quelques cétoines bleues et vertes, capturées à la chasse, soulevaient lourdement leurs élytres dans le seau du puits. Ils avaient raviné le sable des allées à force d'y faire passer des armées avec des bâtons de parade. Maintenant, il venait de donner l'assaut à un tertre herbu de la prairie. Le soleil couchant les enveloppait d'une glorieuse lumière. Ils s'établirent sur les positions conquises, un peu là, et admirèrent les lointaines brumes cramoisies de l'automne. « Si j'étais Robinson, dit-il, et toi vendredi, et s'il y avait une grande plage en bas, nous irions chercher des pieds de cannibales dans le sable. » Elle réfléchit et demanda. « Est-ce que Robinson battait vendredi pour se faire obéir ?»« Je ne me rappelle plus, dit-il, mais ils ont battu les vilains vieux Espagnols et les sauvages du pays de vendredi. » « Je n'aime pas ces histoires, dit-elle, ce sont des jeux de garçons. Il va faire nuit, si nous jouions à des contes, nous aurions peur pour de vrai. » Pour de vrai. Tiens, crois-tu donc que la maison de l'ogre, avec ses longues dents, ne vient pas tous les soirs au fond du bois? Il la considéra et fit claquer ses mâchoires. Et quand il a mangé les sept petites princesses, ça fait niam, niam, niam. Non, pas ça, dit-elle. On ne peut être que l'ogre ou le petit pousset. Personne ne sait le nom des petites princesses. « Si tu veux, je vais faire la belle qui dort dans son château, et tu viendras me réveiller. Il faudra m'embrasser très fort. Les princes embrassent terriblement, tu sais. » Il se sentit timide et répondit. « Je crois qu'il est trop tard pour dormir dans l'herbe. La belle était sur son lit, dans un château entouré d'épines et de fleurs. Alors jouons à Barbe Bleue. » dit-elle, je vais être ta femme, et tu me défendras d'entrer dans la petite chambre. Commence, tu viens pour m'épouser. Monsieur, je ne sais, vos six femmes ont disparu d'une façon mystérieuse. Il est vrai que vous avez une belle et grande barbe bleue, et que vous demeurez dans un splendide château. Vous ne me ferez pas de mal, jamais, jamais. Elle l'implora du regard. « Là, maintenant, tu m'as demandé en mariage, et mes parents ont bien voulu. Nous sommes mariés. Donne-moi toutes les clés. Et qu'est-ce que c'est que cette jolie toute petite, là ? Tu vas faire la grosse voix pour me défendre d'ouvrir. Là, maintenant, tu t'en vas, et je désobéis tout de suite. Oh, l'horreur ! Six femmes assassinées ! Je m'évanouis, et tu arrives pour me soutenir. » « Voilà, tu reviens en barbe bleue. Fais la grosse voix. »« Monseigneur, voici toutes les clés que vous m'aviez confiées. »« Tu me demandes où est la petite clé ?»« Monseigneur, je ne sais, je n'y ai pas touché. » Crie. « Monseigneur, pardonnez-moi, la voici. Elle était tout au fond de ma poche. » »« Alors, tu vas regarder la clé. Il y avait du sang sur la clé ?»« Oui. » dit-il, une tache de sang ? Je me rappelle, dit-elle. Je l'ai frotté, mais je n'ai pas pu l'ôter. C'était le sang des six femmes. Des six femmes ? Il les avait toutes tuées, hein ? parce qu'elles entraient dans la petite chambre. Comment les tuait-il? Il leur coupait la gorge et il les suspendait dans le cabinet noir. Et le sang coulait par leurs pieds jusque sur le plancher. C'était du sang très rouge, rouge-noir, pas comme le sang des pavots quand je les griffe. On vous fait mettre à genoux pour vous couper la gorge, pas? Je crois qu'il faut se mettre à genoux, dit-il. Ça va être très amusant, dit-elle. Mais tu me couperas la gorge comme pour de vrai. Oui, mais, dit-il, Barbe Bleue n'a pas pu la tuer. Ça ne fait rien, dit-elle. Pourquoi Barbe Bleue n'a-t-il pas coupé la tête de sa femme? Parce que ses frères sont venus. Elle avait peur, pas? Très peur. Elle criait. Elle appelait Sœur Anne. Moi, je n'aurais pas crié. Oui, mais, dit-il, Barbe Bleue aurait eu le temps de te tuer. Sœur Anne était sur la tour pour regarder l'herbe qui verdoie. Ses frères, qui étaient des mousquetaires très forts, sont arrivés au grand galop de leurs chevaux. « Je ne veux pas jouer comme ça, » dit la fillette. « Ça m'ennuie, puisque je n'ai pas de sœur Anne, voyons. » Elle se retourna gentiment vers lui. « Puisque mes frères ne viendront pas, » dit-elle, « il faut me tuer, mon petit Barbe Bleue, me tuer bien fort, bien fort. » Elle se mit à genoux, il saisit ses cheveux, les ramena en avant et leva la main. Lente, les yeux clos et les cils frémissants, le coin des lèvres agité par un sourire nerveux, elle tendait le duvet de sa nuque, son cou et ses épaules voluptueusement rentrées au tranchant cruel du sabre de Barbe Bleue. « Ouh ! » cria-t-elle, « ça va me faire mal !»